Mesdames et messieurs, chers amis patoisans, nos émissions consacrées au patois valaisan continuent et M. Charles Montandon va vous présenter tout à l'heure celle d'aujourd'hui. Je voudrais pour ma part profiter de l'occasion pour inciter tous ceux qui sont susceptibles de participer à notre prochain grand concours des patois à se mettre au travail. En effet, dans le courant de janvier 54, nous pourrons donner des précisions et porter à la connaissance de chacun les conditions exactes du concours. Mais en attendant, les concurrents peuvent se mettre à l'ouvrage, car il y aura des catégories et subdivisions assez nombreuses pour que tous les genres, peu s'en faut, tous les genres de textes, puissent être classés et retenus par les différents jurys. Contes, poèmes, chansons, récits, scénettes, voire pièces théâtrales, sketchs, anecdotes, etc. Toutes ces formes de production seront admises au concours et pourront par conséquent être présentées au moment voulu. À vos plumes donc, et quant au cours d'interprétation, au concours d'interprétation, il pourra lui aussi donner l'occasion à ceux qui se sont spécialisés dans la présentation de l'un ou l'autre de nos patois de marquer des points et éventuellement de courir leurs chances qui seront nombreuses. Donc, au travail, messieurs. Et maintenant, M. Montandon vous présente l'émission d'aujourd'hui. Continuant à remonter la vallée du Rhône, nous voici aujourd'hui à Isérable. Étonnant village en vérité, perché tel un nid d'aigle dans la montagne où il fut longtemps isolé. On prétend que les gens d'Isérable, comme ceux d'Anivier et du reste, seraient les descendants des Sarrasins qui envahirent notre pays au temps de la bonne reine Berthe. Il y a une ressemblance physique, et puis il y a aussi le patois. Un patois nerveux, chaud, véritablement un parler du midi, faisant penser à la fois à l'espagnol, au provençal, à l'italien. Voici M. Daniel Crétenant dans une légende d'Isérable, la légende traditionnelle de nos Alpes. Il y avait alors un riche pâturage, propriété des seigneurs de Sion, et qui était tenu par des Bédjuis, des Bédouins, surnom des gens d'Isérable. Pâturage tellement riche que les bergers jouaient aux quilles avec des matoles de beurre. Et voici qu'arriva un jour un mendiant auquel on refusa de donner à manger. Seul un bouebe respecta les règles sacrées de l'hospitalité et remit à l'homme un peu de petit lait. Lui seul aussi réchappa de l'anéantissement du pâturage qui s'ensuivit. C'était la vengeance de Dieu. Donner aux pauvres, c'est donner à Dieu. Una dozzana de Vernon. I mosciò de viaggi se promin per sua montagna de bau e passe per me ple balle zarge di un paesier, ville d'un orin de siècle. Il est étonnant de trovar pri de son un sindi tobreca, mais un cor bien marca, qui est prouvé qu'on y a de lire buen entreia. En suivant ce sindi, un autre mosciò se est tout surpris de trovar una place tout à pavard. Adon qui s'en dit, il suit deux bœufs de fou pour fournir et rouer une sarvade de ces quarts de montagne. Yo oui vous conta, sentimio pèlerin, mes désirs de ces sindis et de sa place pavaille. Et il y a bien grand temps de sen. Un seigneur de chion l'avait à plus brave montagne qu'on pouvait se trouver, si montagne se trouvait juste en cas son or et l'âge de tsacheur. Et ces sindis l'avait à nom Oger de maîtresse. Il servit pour besoin des seigneurs de ses terres. Audrey, de la place pavaille, elle avait un bœuf pour être sauf de ses mocheux, qui est béduit devant Saunier, Norey et Ferra. Il a de sa chœur lire pas encore en ses terres. En place, elle avait un brave casin et un bétail pour héberger. Lire une toute belle montagne, pas de crépons, mais une herbe fine et sarraille. Héberger, tormentat d'un médecin, sa cause, il n'avait pas peur de travaux, savant pas mieux comment faire pour passer au thé. Un jour, se sont mis en zoyer d'huile à un serrier salé de grenier et l'employé ou un piote de beurre pour remplacer les boules. L'iront bien en joie quand la roi, un pouroté, qu'il a demandé à manger. Les œufs bien reçus. Moka, Playa, Menacha, les taux justes s'ayant achat entreposa pendant qu'il potsera. Un souvenir d'Olem Berzasson qui avait encore le turban et qui partageait au pour qu'il avait. L'avait rente de printemps. La porta de printemps pour le thé s'était devant au casin et hier zoyait d'il, de façon que vos sades se crevaient. Quand la zoe ouida, Saint-Thomas ou Nagot, au gréé de printemps, balla pour Potserot, il pour le thé d'être souvenir. Venez à vos mains, tant que mon rogneux, il ferait top devant que c'est né. Sen comprenne sen la wese, i pozero se metero ta u purete. En arroen nu, i purete la disparu, e i zuvene se trova de per se. E sen la iu adon, e la fedrici e pei soatiet. I montagne, toti i montagne, l'età suevai. De crepons se son meta robata de tuebi. Tanti montagne sen conisei pami. To sena un tren de tenere, un salvagi de diablo. Am tas de casin tan bravo, am tas de tse torrez, e gli avei un lac prevon e sen fond. E bergi, e vazi tutti vici, tuit, tutto il fondo del lac. I giovenet, sobra tutto per sé, la roa e viade tremblen de puir, per annunciare sa terribile fin, che gli remen, qui doit y vengeance de Dieu en punition des péchés des messages de la montagne. Faisons nos bains comme nos points, balayons pour sainte nos points, d'abord te balayons pour le balayons bon Dieu, mais présent jamais au bain de Dieu. Voici maintenant par M. Célestin Deleuze une anecdote historique en patois de la vallée de Ninde. De un, tout à l'autre, aux jambettes, et vous souhaite bonne patience pour suivre et comprendre chez Patois de l'Inde. C'est une histoire pas tant pour rire. Je n'ai encore bonne mémoire. Je remonte à Pachard de Trey-Saint-Jean. Voilà bon. Et sergent Blanchard tourna du service d'Espagne à une bonne fortune pour se mettre à faire du bain, à faire bâtir une tzapa à Chemitier, à une azote sur le sautier, qu'il a dit « Metzéote » au rabon. Ma chérie, mes coins en campagne, qui de son domaine de Balinfé à la Beaujoufée de Tormarca. Après un mi pénible qui est bien mal boli, à de cela de 20 je suis et tuis à coup. À la forme d'un accreux affreux et plutôt dragon, avec des griffes et un accord de médecins, à rouler pas un jour, avec une bourraille de diable, souk, et un zikaw, et nage au grand lapin de Zerjon, et commande de te verrier bas dans sa part, pour détruire tout au rabot. Ma faut-il pas qui part dans eux, où se joue ta oui, et porte une alarme et capitaine, et où manuli que je mets tout à brillant l'autre de tout son pouet. Et dragon, qui au plus gros bloc de la paix, commanda de bichet et de terrier. Hi, ma tout d'un coup, il en rite le diable, rite il la paix de Zerjon, malgré lui. Tu es jefot de la troupe infernale. Il me tseote, chona, chandarta, au rabon. Un coup, le diable se tormenta et pleura de rage à ce qui tombe de l'autre. Et puis, oui, au même temps, comme quand, après la création, un peu des gens se sont révoltés d'orgueil, Lucifer est bien écrit, de bien écrigeance. À Rouen contre l'abeille. Chamitieu et son capitaine Chambartin. Déant la troupe, bien de cela, est forte au rabon. Quand à tripotaille, un pouchou à pied, et quatre premiers gros crepons, à Wekao, et Tatcheu, péchapin. Tandis que je vais un cordia propre, Chamitieu, Baillé, Drey, Chatit, et à un chabre de l'âme ondulaille, à correction qui dragon merda, au rabot. Quand est tourné à Saint-Martin de Côte, Clay Jobin, qui a coachu à chacun d'un métier de son manté. Et bon gens, en cria à Bayaba. Et puis après, partait au Saint-Martin, sampé au restant du Tsouk, tant qu'il fut là et Jum, John, qui ne chauffera qu'une trouille de touf et de caillonne, ma si bonne mémoire, venant bas dire encore une grosse coache et bien le bousin finit. Ora prichain, très Saint-Jean, mitard, si bonne mémoire. De bonnes récitations du Véance. En remet tout choupia, pas comme une légende, mais une superbe élue. Et pour de riz, octave, en fait à penta, na fresque, que John symbolique du conte de la bataille. De la paix, par la bombe. Un triomphe, Chamitieu et Martin, prothèse encore, ont un chébio pays, et chuteau et bonnesin, qui dragon à Rimbouchou, dragon à Rimbouchou contre. Ma préprouve que chouma, mais faudrait pas m'y tender. Ora bon. Bonsoir et merci. Passons sur la rive droite du Rhône. Dominant Sion, nous trouvons la vaste commune de Saviese avec ses nombreux villages et hameaux. C'est là, dit-on, que l'on trouve le valet demeuré le plus fidèle à ses traditions. L'habitant y est vif et nerveux, la femme porte volontiers le costume, et surtout, Saviese est un des bastions du patois valaisan. On n'y parle que patois. C'est la seule langue usitée, celle que les Romanches appellent la mouma, la langue maternelle. Le patois de Saviese fait du reste l'objet d'un magistral travail, plus exactement d'un glossaire, du père Zacharie. Voici au micro deux Saviesans, messieurs Fernand Luyet et Albert Goblet, tous deux instituteurs. Deux régents qui ne commettront pas la stupidité, comme ce fut le cas ailleurs, de taper sur les doigts de leurs élèves parlant patois. Messieurs Luyet et Goblet s'entretiendront très simplement de leur village, et plus particulièrement de la Société des Hommes du Village, la plus vieille société du pays, qui est à l'origine de la commune de Saviese. Adieu, Gianzale. Oui, Brozoge. Piton, vero. Enza, patan. Addo. Y a t'es un peu pesante, oui. Voilà, pourquoi? Non joue à gottaille. Ah, oui, il n'y a pas d'être bon, ce coup. Je suis bon, il n'est pas bon. Mais on n'est même pas tant. Après, tu trouves que vous êtes bien riche de regarder le prélèze dans le monde. Chez les prunes, il peut bien les sociétés du pays. Da où? Tu ça voit des gens de ce pays, en main en liberté. Surtout, vous voyez, il y a un moment pour obéir au Seigneur. Et il faut croire que les droits et les arts des fous de prélèves, il y aura peu un premier droit que les vieux anciens l'ont joué. T'es pour les gens, Jean Sal. Il y a un vieux écrit paiement qui date de 1624. L'État a écrit pour le notaire Francis Loé pour remplacer les vieux autres par la paix. Tout est écrit en latin. Et vieux jarret, faut compter que Dieu être de 15 cents. Allez. N'aime pas pour jouer les trois et tout vieux papier de noir, c'est-il secret. Les damas, parce qu'il faut y voir l'intéressant. Mais puisque nous parlons de chien, oui, vous dites une bonne coble au prélèze. Eh ben non, nous sommes moins coble à l'heure que dire. Oula, comment je vais être? Il voit la porte en même temps, dis donc. Il a beaucoup de vieilles familles de Voise qui sont plus. Et comment il a qu'un fils du vieux ancien de Voise qui pour en faire partie du prélève. Ah ah, les dinges. Oui, d'après Jarret du prélève, et Druid venant qui bosse et paie des tas. Il ne pourront pas être ni ventou ni testant. Et puis il faut que tenir son foi de Don Voise pour être Druid au prélève. Ah. Et pour les patates, il faut encore reconnaître la société. Chez qui vous entra, dit se présenter de un congé. Salua accompagné, et d'elle venu reconnaître les droits de mon bar. Il dit porta deux carterons de bon vin. Il bat le premier verre au président, qui a goûté, et chez les contents, il dit reconnaître qu'il vin est bon. Ah ah, mais comment se fait-il qu'un autre Français qui reste chez les Allemands le fout de la société? Tu comprends que ceux qui partent du Voise et qui restent mais que très gens qui terminent à frapper, il est foutu fou là de la société. Arrête l'intéressant de verre qui intéchant et vieille famille de l'hormone. Le franc verré, chez nos rades un peu fou de prélèves et de autres, nous trouvons et Kobewe, et Doc, et Debon, et Dubué, et Valoum, et pas d'autres. Il a voulu dire que j'arrête de voir la chère François, et t'es verré. Oui, j'arrête. De haut, la chute affectée en François, dès que je vois ça en un antidote, puis au noté, ça t'a en jacquet. Comment vous de prioritiser? Il en joue à manque de week, il en tendit un peu au commencement du geste à tout. Toucha, il est un premier article. Attends. Comment était Dieu? Ah oui, il est dingue. Considérant, voyez-le, va bien à homme de vivre en société. Et considérant à vous que pas une société de tout le monde pour vivre chez nous, nous décidons de refaire de nous jamais. C'est bien dit. Et j'en sais mieux que nous être un couple. D'où? Crie qu'il y a une trois de sorte de fourbis et chien les pombes. Mais après tout, de qui âge nous pouvons faire entrer du prélève? Eh bien, de l'âge de 15 ans. Drigue n'a fourni au coup. Et du mazible, chante sempre à fouer la société. Tu chantes plus que n'a, nous respectons trois vieux de notre prélève. Mais je sais que pour pas mettre à l'aide, difficile un remplaçant pour être à haut. Ah, tu parles de trao. Quoi est-ce que commande pour trao? Eh bien, des carimes pour pitié les présidents, mais pour tuer déjà ton trao, je suis parcouru. Mais qui a-t-il tant à faire de nouveau ta société? Il faut inviter les sociétaires pour travaux. Des carimes, ils vont tuer, vendez-vous la déchets. Ils disent, on fait des davozounés pour nous. Et pour courir, organisons autant. Et pour courir, dit encore. Espergier à Vigne, et Ardier, et balayer à Palais pour Attaz. Alors, quand ils disent, envoyer, procurer à Motte pour Karim, pour faire la raclette. Et qui sont compétés d'où vous? Ou comment, pour courir? Ah ah, ma roue de paguette, non, d'aime, de temps en temps. Ben ben, il est déjà joué à roi. Il est porqué, il porte, il a d'avoir charade, voilà. On a là, un petit président, et l'autre, un petit percurieux. D'ange, ils sont tout en deux pour aussi, oui. Après tout, voilà tes tiges, il vient à vous. Il a pas pris 600 tiges. Au bord, le grouche. Vous dites faire beaucoup de venance. Des gens, mais d'autres gens, mais pas. Stian, nous ne sommes pas à vie, tout ça. Voi ci provi, te pa' esciove, e mai non papà la gran soce. Ma come, tu pa' lì, mi devo toscenga la bia. In tuo caso, riconosci che sei più vicino a gottà, bien sciove. Usi lui non me ne è tutto a gara. 37 e a resta 90. 37, le patan male. Fele voce di più. No, no, no, non facciamo pas di più. Chien che non abbiamo pas o traumi i conci, non partiamo di un parco. E poi il faut pas oubliare che non armo una cosa di parco. Allez, vedi, vuoi balare di pan e di vin, a tu faut che passi di a zappare, o zo di parco a prega un mesh. Ma rappelo che io piti voglio fie, che roba mi giù avevo carti di pan. Ma tu c'ha o vin, puoi pas quella a mo di a zappare. Oh, non è possibile. Sono già blu che tu la lampada, o più non blu. Non balen dove ero però, il piti come il gru. E poi pan, le tote a gare, non balen un buon jet d'occhinta di farina. Stila di fede, dopo pan, di 2 kg per società, e il resto di pan a armonia. Ben giù ci resta qualche zoggia di pan a prego armonia. E già tu cartiscio partaggiano tra le società. Voi siete bravi di conservare la vecchia tradizione. E buongiorno! Voi rendere un pan e un motto. C'è un mois de pan e d'ovore de vin. E c'è le pan. C'è un modre camom ou de vui avec ce qu'on fait parcher. Que le camom ou melo ha tsoa qui ne poa yu ha terre le camom ou charité. Ta franc rijou. Ma chato franc comme un de nous a habitude de distribuer pan de pan. Oui, Gianza, le crijo qui dio chai, corteggia, se chouin, avoyo, gros anneau. Do vieux temps, il pan la yo na travao qui vous a de vous. Et che que la yo moins de sang, il y a un type rets. Et les joueurs rois de co, pelenque, que la yo na famine. Oazo, tu fous de gros mejois, da un, tochem, la manca de pan. Un chavierge, l'enjou pouche de brûler à temps, l'enjou de pan. Et un chou unique, j'ai ta préserva. Et pleurez de voazo, la balade de con, au bleu bio sang qu'il a eu. Mais à quoi balai? Il a eu de vase qui prélève. Et Adam l'a balé au prélève. Et s'il a dit balai tout temps et torzo au pan. Ma règle de pan. Tout ça bouge et va pédinque. Faut bire qu'à l'entrée. Les pochins qui font même au rezzo, la cheveux balai la vigne. Et les dinges qui la roi qui balai au zo de Pâques. Parce que tout ça du vieux temps et pas comme à oeil. Pas de que Pâques, il zo du bonheur. Voilà les dèches que la roi, que l'emballa, cadeau, puisque dès le bonheur, l'emballa, on veut de vous, et pour moi, pas. Eh bien, puisque les dèches, comment tu veux expliquer, que je ne veux pas tâcher de voir au plus grand temps possible.